Combien d'amis à la surface? Combien dans le fond? Combien d'otacles dans la surface? Sans toucher le ballon. Y'a plus dégueu. Y'a plus dégueu. Mes collègues, on se connaît depuis qu'on est petit. L'homme a des valeurs, mais l'amitié n'a pas pris. Tu m'as volé, cagoulé, t'as pas compris. Je te juge pas, mais Dieu fera pour ce que tu m'as pris. Dis-moi pourquoi tu fais le bandit. Tu fais l'homme, mais t'as pas grandi. T'as besoin des autres pour ta survie. T'es un dégueu. Tu dévends une vie, salope, calope, ça fait des coups en douce. Tu m'appelais frère alors que je suis même pas ton couf. T'es donné, donné quand j'avais besoin de moi. Et quand je suis en galère, je peux même pas compter sur toi. T'es cramé, cramé, t'as des potes que par intérêt. Donc personne sera là quand tu te feras enterrer. Je suis calé, calé, en train de boire mon canon. Et tu vois ta vie de merde et sans disant t'avais le bras long. Lâche, lâche, l'affaire avec tes potos. Passe, passe, ça va finir au couteau. Casse, casse, sans délai c'est jamais trop tôt. C'est pareil pour les femmes si tu veux pas de gosse dans le dos. Trace, trace, dernier angle dans le dos. Trace, trace, tu la vois en lit avec ton poteau. Trace, trace, elle veut des paillettes et dit que t'es beau. Fais confiance en toi, de toute façon t'es entouré de mythos. Et pour les femmes c'est pareil, elles te disent qu'elles sont carrées. Mais si t'as plus une petite seconde, c'est les premières à se barrer. Elle peut te dire je t'aime avant de partir en soirée. Et revenir avec un tel blindé de niveau cerdosé. Entre méfiance, confiance, qu'on pense, qu'on pense. Si la souffrance est là, c'est parce que l'homme est égoïste. On aime trop ça, la violence, l'important être portant. Sur 20 collègues dans la merde, obligé qu'on ça parle dans ton dos, ça te rit dans la rue. Ça te dit wesh coco, et prends ta meuf tu l'as vu. C'est ton ami depuis 10 ans, alors toi tu l'as cru. Elle te dit je t'aime sur 10 ans, c'est parce qu'elle avait vu. Allez allez, cassez-vous bande de crasse. Coel, je vous encule et je vous embrasse. Vous inquiétez pas la retourne. Comptez pas sur moi pour que je me retourne. Lâche, lâche, l'affaire avec tes potos. Passe, passe, ça va finir au couteau. Casse, casse, sans délai c'est jamais trop tôt. C'est pareil pour les femmes si tu veux pas de gosse dans le dos. Trace, trace, dernier angle dans le dos. Trace, trace, tu la vois au lit avec ton poteau. Trace, trace, elle veut des paillettes et dit que t'es beau. Fais confiance en toi, façon t'es entouré de mythos. Et quand tu fais un truc ça critique. Laisse-la voir la trique sur tes sons et n'écoute pas les petits pieds. Rien à foutre de ce qu'ils disent. Les pieds sur la terre, moi je décolle, c'est la lune que je vise. Et pour les teams c'est pareil. Tu peux compter sur personne. Personne te rend l'appareil. Alors avance au klaxon. Les jaloux continuent à parler. Ça me donne ma trique. Grâce à vous de plus en connaît. L'album tu vas l'écouter. Tu verras que t'es même mon niveau. Sans toi dégoûter. Tes mouchoirs égouttelés. Tu viendras pas à mes concerts. Mais tes collègues obligés. Alors te sens pas baissé. Je sais qu'il y en a qui vivent juste pour critiquer. Lâche, lâche, l'affaire avec tes potos. Passe, passe, ça va finir au couteau. Casse, casse, sans délai c'est jamais trop tôt. C'est pareil pour les femmes si tu veux pas de gosse dans le dos. Trace, trace, dernier angle dans le dos. Trace, trace, tu la vois au lit avec ton poteau. Trace, trace, elle veut des paillettes et dit que t'es beau. Fais confiance en toi, façon t'es entouré de mythos.